trompé de porte. J'ai frappé et on m'a frappé. Je me suis trompé de porte et maintenant je suis sonné. Je me suis trompé de porte, on m'a tordu les poignets. Je me suis trompé de porte et maintenant je sais même plus où je vais. Je me suis trompé de porte et maintenant je sais même plus où je vais.